vertes collines de rouger le paysage. Vous avez tué Jacques Chirac, mais vous n'aurez pas mille atavisme de Jeanne d'Arc qui lutte contre les pelons. Vous avez tué François Hollande, mais vous n'aurez pas mille. Nouvelle Jeanne d'Arc, intrépide femme qui vend ses streams sur Instagram. Vous interdisez le saucisson, mais vous n'aurez pas mille. Nouvelle Jeanne d'Arc, intrépide femme qui vend son caca sur OnlyFans. Vous avez perdu les 6 millions, mais vous n'aurez pas mille. Des vertes collines déranger le paysage. Vous avez viré Julien Lepers, mais vous n'aurez pas mis là. Atavisme de Jeanne d'Arc qui lutte contre les salogènes. Vous avez brûlé nos Renault 18, mais vous n'aurez pas mis là. Nouvelle Jeanne d'Arc, intrépide femme qui vend ses streams sur Instagram. Vous nous interdisez le Daniel, mais vous n'aurez pas mis là. Nouvelle Jeanne d'Arc, intrépide femme qui vend son pipi sur OnlyFans. Vous avez gagné les 6 millions, mais vous n'aurez pas mis là. Oh, oh, oh. Ils ont envoyé un Charlie Hebdo. Ils ont fait des trucs dedans.